بسم الله الرحمن الرحيم فسندخل اليوم في فصل جديد un nouveau chapitre de l'auteur de cette risala qui est intitulé دعوته أهل السنة فرقت بين الحق والباطل, que la da'wa des gens de la sunna a divisé entre la vérité et le faux. Elle a causé la division entre la vérité et le faux. Et minhuna, d'ailleurs, مثلا, min asma al-Qur'an, parmi les noms du Qur'an, al-Furqan, qui est traduit comme étant le discernement, qui amène à discerner entre la vérité et le faux. Donc cette da'wa, comme elle est bâtie sur le Qur'an, bien évidemment amenée à cela, comme l'auteur va le citer, hafizallahu ta'ala. قال وهي دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي فرقت بين المسلم والكافر وبين الحق والباطل وبين السنة والبدعة وبين السني والبدعي. Il s'agit de la da'wa du message d'Allah صلى الله عليه وسلم, celle qui a divisé entre le muslim et le kafir, le mécréant, et entre la vérité et le faux, entre la sunna et la bid'a, l'innovation, et entre le sunni et le bid'i, entre celui qui suit la sunna et l'innovateur. Elle est un point de distinction entre eux. فقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله يقول حديث رابطه البخاري selon جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فضربوا له مثالا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان مثل كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب داعيا دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعية لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد فرق بين الناس وَمُحَمَّدٌ فَرْقُدْ بَيْنَ النَّاسِ. Donc le hadith qui dit que des malaïkas, des anges sont venus pour des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il dormait. Et certains ont dit qu'il dort. Et certains ont dit son œil dort mais son cœur est réveillé. Et après ils dirent pour cet homme il y a un exemple à donner. Alors citez l'exemple. Ils redirent encore, certains d'entre eux, qu'il dort. Certains dirent que l'œil dort mais que le cœur est réveillé. Après ils dirent l'exemple de cet homme est comme celui d'un homme qui aurait construit une maison et qui y plaça un banquet, un festin. Et qu'il envoya quelqu'un qui appelle, une forme d'émissaire, que celui qui répond à l'émissaire rentrera dans la maison et mangera de ce festin, de ce banquet. Et que celui qui ne répond pas à l'émissaire n'entrera pas dans cette maison et ne mangera pas de ce banquet. Donc ils dirent, interprétez-lui qu'il puisse se comprendre. Et de là, il dit que cette maison qui était construite, c'est le Jannah. C'est le Jannah. Et que l'émissaire, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et que celui qui a obéi à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a certes obéi à Allah azza wa jal. Et que celui qui aura désobéi à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura certes désobéi à Allah. Et que Mohammed est le point de distinction entre les gens. Le point de discernement entre les gens. Entre le vrai et le faux. Donc celui qui répond à l'émissaire, c'est-à-dire celui qui répond à la sunna et à l'appel de l'islam, entrera au Jannah. Et entrera au Jannah et aura droit à la récompense, qui elle a été représentée par ce festin, par ce banquet. Naam. Donc là, c'est une chose qui a différencié entre celui qui répond et celui qui se détourne. قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس كان رجل يكون كافرا وابوه مسلم أو يكون الأب كافرا والابن مسلم أو الأخ مسلم وأخوه كافر كما هو معلوم. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été le point de distinction entre les gens, le discernement. Il se peut que l'homme était mathalan mécréant alors que son père était muslim, ou alors que le père est muslim et le fils, ou plutôt que le père est kafir et que le fils soit muslim, ou que le frère soit musulman et que son propre frère soit mécréant, comme cela est connu. Et cela a amené à quoi ? À une séparation, bilachek, car il nous est obligatoire de nous séparer des gens du faux. Quels que soient les liens de parenté qui nous relient, il y a un amour à donner en fonction de la législation. Un amour naturel qui est donné, naam, mais par rapport à l'iman et par rapport à la religion, le kafir et le musulman ne peuvent pas s'aimer. Donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a divisé entre celui qui a répondu à l'islam, à l'appel, et celui qui a refusé. فَإِذَا قِيلَ إِنَّ دَعْوَةَ أَهْلِ السُّنَّةِ فَرَّقَتْ بَيْنَ النَّاسِ نَقُولُ نَعَمْ فَرَّقَتْ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ وَبَيْنَ السُّنِّ وَالْبِدْعِ لِأَنَّهُمْ لَا يَرْضَوْنَ بِالْغَثَائِيَّةِ وَلَا يَقْبَلُونَ الْفَلْفَلَةَ وَلَا يَسْكُتُونَ عَنِ الْبَاطِلِ وَلَا يَرْضَوْنَ بِأَصْنَافِ الْحُلُولِ. Si jamais des gens venaient à dire que la da'wa des gens de la sunna a divisé entre les gens, on dit na'am, en effet, cela fut le cas. Elle a divisé entre le muslim et le mécréant, entre le sunni et l'innovateur. Car les muslims, les gens de la sunna, n'agréent pas une quantité, une multitude de personnes n'étant basées sur rien du tout. Cela ne sert à rien du tout. Comme ce fut la da'wa de certaines personnes, qui est le fait de rassembler le plus de gens possible. Les gens de la sunna n'appellent pas à ça. Ils appellent à la distinction, au tamayyuz, comme on dit. Donc une personne sur la vérité, pour eux, vaut mieux que des millions sur le faux. Donc de là, les gens de la sunna ne se testent pas sur le faux. Ils disent la vérité, et cette vérité-là, ce n'est pas tout le monde qui l'accepte, ce qui fait que des personnes s'éloignent d'eux. Mais celui qui s'éloigne d'eux, en réalité, n'a fait que s'éloigner de la vérité. Cela ne nuit en rien du tout que les gens abandonnent la vérité, mais cela leur nuit qu'à eux-mêmes. Comme a dit Azza wa Jal, « وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » Ils n'ont été en rien injustes envers nous-mêmes, mais ont été injustes envers eux-mêmes. Donc le zulm de la personne en délaissant la vérité, cela ne nuit qu'à lui-même. Et que les gens de la sunna n'agréent pas la quantité, mais regardent la qualité. Un islam droit et une bonne sunna et une bonne aqida, même si ce n'est qu'une ou deux personnes, cela a bien plus de valeur pour eux qu'une multitude de personnes étant basées sur le faux. Naam. Donc là, c'était le fond que le Mu'allif a voulu citer aujourd'hui, qu'il est une distinction, d'accord, et que cette distinction, elle est bonne, cette division, elle est bonne. C'est une division qui est faite pour Allah Azza wa Jal. Naam. Wa subhanaka wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.